Amis humains, bonjour. Un scoop. Les portes hélicoptères Mistral seront utilisées dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Saint-Nazaire. Après la stupéfaction des ouvriers des chantiers navals nazériens lorsqu'ils ont appris que l'État français, par la voix de son président François Hollande, suspendait la livraison du Vladivostok, le porte-hélicoptère de type Mistral qui vient d'être achevé et craignant la perte de nombreux emplois sur le site, ils ont été toutefois soulagés d'apprendre que Najavalo Belkacem, la jeune ministre de l'Instruction du Bon Peuple, envisageait très sérieusement de transformer le bâtiment de guerre en centre flottant dédié au nouveau rythme scolaire et de le racheter en économisant sur la retraite des professeurs qui seraient alors calculés sur les 7 derniers mois, et non plus les 6 derniers. La première tâche serait donc pour le navire de rejoindre le port de Marseille où son maire, Jean-Claude Gaudin, semble avoir quelques difficultés, après 2 ans de tergiversation, à proposer des activités et des locaux pour les élèves de sa ville. Le Vladivostok qui serait pour l'occasion renommé en Najavalo Belkacem, la graphie russe serait conservée à Aja au cas où ces derniers le récupéreraient un jour, deviendrait une unité flottante mobile d'urgence, au service de l'éducation nationale et permettrait de proposer des locaux, et des activités pour les municipalités disposant d'une façade maritime. L'intérieur serait repeint en rose foncé pour les petits garçons et en rose pâle pour les petites filles afin de se conformer à la théorie du genre. Le pont d'envol serait transformé en jardin d'enfants alors que les dortoirs abriteraient plusieurs crèches sur plusieurs niveaux. Les militaires seraient vêtus d'uniformes recouverts de dessins de Hello Kitty afin de ne pas faire peur aux bambins et leur proposeraient des activités de loisirs, tir au canon de 30 mm, pointage de missiles sur des avions civils. Défilé au pack à danser et un spectacle World of Warcraft en fin de chaque mois auquel les parents pourraient participer. Le radier, une fois rempli d'eau, servirait à des activités nautiques et pourrait même être utilisé par temps de pluie. Le maire de Marseille réserve pour le moment sa réponse mais semble quand même tenter de disposer d'un tel bâtiment dans le vieux port. Les hangars sont vastes et pourraient également servir de stand de tir pour les jeunes des œuvres et des quartiers nord plutôt que de les voir s'exercer dans le centre-ville. L'élu Front National Stéphane Ravier, maire du 7e secteur, a, quant à lui, envisagé de se servir des cales pour y loger les immigrés clandestins des différents arrondissements. Sa proposition n'a, pour le moment, pas rencontré d'écho favorable. La jeune ministre Najavalo Belkacem envisage de faire autoriser la construction du sistership, le Sébastopol si l'expérience avec ce premier porte-hélicoptère dit des nouveaux rythmes scolaires est concluante. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, n'est, pour l'heure, pas inquiet. Il a déclaré que François Hollande changeait régulièrement d'avis si l'on en croit le livre de Valérie Trier où elle est merci pour ce moment que les services secrets russes lui avaient fait parvenir voici déjà un mois alors qu'il n'était pas encore imprimé. Il a même ajouté que la suite de ce premier ouvrage, qui s'intitulera Pendant ta gueule est encore plus croustillante mais ne devrait sortir qu'à l'été prochain www.radiocockpit.fr à bientôt. Grosse bise numérique.